Chapitre 37e, l'immense tombeau. À l'heure où ces événements se passaient à Ville-d'Avray, dans un des salons du cercle, autour d'une table supportant des boissons diverses, apéritives, et une bouteille d'eau de Vichy pour le baron Vancambre, se trouvaient réunis, fumant paisiblement, le baron Vancambre et un autre baron à belle barbe calamistrée, à la boutonnière fleurie, l'air superbe, décoratif, le baron Dupont, puis le financier Guttelard, et le comte Faustin de la Guérinière. Le baron Vancambre faisait part à ses amis des ennuis que lui causait en ce moment le service de la voirie parisienne, qui l'obligeait à ravaler sa maison, à faire consolider son immeuble de l'impasse Ganneron à la suite de l'explosion d'une conduite de gaz. « Comment ? » s'écria le comte de la Guérinière. « Ce n'est pas fini, cette histoire d'explosion ? » « On a barré la rue de Clichy, la rue d'Amsterdam jusqu'à la Trinité. D'ailleurs, c'est une manie. On barre toutes les rues, on y fait des travaux, on gêne la circulation, et ça dure encore, toujours, tout le temps. » « Et ce sera ainsi, » ajouta le baron Dupont, « tant qu'Alphand sera défunt. » « Or, à propos de défunt, » dit le financier Guttelard, « on a rapporté qu'au moment de l'explosion, il se trouvait dans le sous-sol des ouvriers égoutiers, et que deux de ces malheureux ont été tués par l'explosion. Pauvre diable !» fit le comte de la Guérinière. On a tiré du sous-sol de cadavres à la hauteur de la rue Moncey par un regard. Ce sont les pompiers de la caserne de la rue Blanche qui ont ramené les corps. À ce moment, le valet de pied vint dire au financier Guttelard « Monsieur James Twill vient de téléphoner. Il prie monsieur de l'excuser pour ce soir et de ne pas l'attendre. Il est à l'usine en train de travailler. Il ne peut abandonner l'ouvrage et viendra voir monsieur demain matin chez lui. Bon, bon, » fit le financier. Le valet de pied se retira. C'était un garçon à l'air très intelligent, avec des yeux brillants et malicieux qui surmontaient un nez relevé et comique, une bouche dont la forme se modifiait de la façon la plus bizarre, une tête de clown. Inutile de forcer l'intrigue, disons que c'était tout simplement Simon, l'un des seconds de Paulin Broquet. Quand il sortit de la salle, le financier Guttelard dit à ses amis « Ce James Twill, que j'avais invité à dîner pour vous le présenter, et qui m'annonce qu'il ne peut venir, est un Américain, un homme étonnant. « Comme tous les Américains, » fit le comte. « Celui-ci a inventé un aéroplane. « Encore, lui aussi ?»« Oui. Son appareil est basé sur des principes tout à fait nouveaux, inédits. Il ne ressemble pas à ce qu'on a fait jusqu'ici. « Bon, bon, » fit le baron Vancambre. « Et vous pensez constituer une société pour l'exploitation de cet appareil ?»« Précisément. Je voulais vous en parler, pour que nous fassions ensemble cette affaire. » « Ça vous va-t-il ? » « Nous verrons. Faut tout d'abord voir l'appareil. Mais quand vous voudrez. Ces jours-ci, bon. » Et l'on parla d'autre chose. L'heure du dîner arriva, puis l'heure du théâtre où Lucette Minois recueillait ses applaudissements habituels. Les amis dînèrent ensemble, et le cigare fini, s'en allèrent chacun de leur côté à leur plaisir. Le comte et le superbe baron Dupont remontèrent jusqu'au Lutetia en devisant tranquillement. Ainsi donc, pendant qu'à Ville-d'Avray on soignait Riri, qu'on enlevait de ses mains le sang qui avait jailli sous son coup de ciseau de la blessure faite au comte de la Guérinière, le comte de la Guérinière se trouvait au cercle avec ses amis. Avec eux, il parlait de choses et d'autres, d'explosions, de cadavres découverts dans les égouts de la rue Blanche, discutait le problème de l'aviation par le plus lourd que l'air. Puis il se rendait au concert et se disposait à passer une soirée de plaisir. Cependant, à Ville-d'Avray, dans la villa voisine de celle d'André Girardet, c'était le comte de la Guérinière qui avait tendu l'odieux guet-apens, qui avait assailli Riri dans le petit salon. C'était le comte de la Guérinière que Riri avait gravement blessé. C'est lui qui avait tiré sur l'amorce, sur son compagnon, accouru au secours de la jeune fille. C'est lui que la hachette de l'homme à la barbe noire avait atteint en plein front. Lui qui était tombé doublement et gravement blessé. Et cependant, il se trouvait en même temps ici, rue Royale, puis sur les boulevards, et il paradait enfin au Lutetia. Il était là, bien en vue, plastronnant, souriant, donnant des bonjours à ses amis, comme il s'était déjà trouvé à ce même théâtre de Lutetia, applaudissant Lucette Minois pendant la soirée où l'on dévalisait le coffre-fort de maître Béjanet, pendant que Robert et Raoul le reconnaissaient parmi les cambrioleurs du notaire. Mais le banquier Guttelard avait parlé de deux cadavres trouvés dans l'égout. Deux cadavres ramenés à la surface du sol par les pompiers de la rue Blanche. En effet, on découvrit dans le sous-sol, à quelque distance de la place de Clichy, deux corps, celui du commissaire et du brave Clafou, que, sous leurs habits d'emprunt, d'ailleurs couverts de boue, on ne put reconnaître. On les transporta immédiatement dans une ambulance urbaine à l'hôpital Lariboisière. Mais une heure après le transfert, Clafou, sa blessure à l'épaule rapidement pansée, redevenu Clafou, se trouvait derrière son comptoir, le coup de couteau de Bipard ayant glissé sur son énorme omoplate. Quant au commissaire, dans la matinée, il signait son courrier et vérifiait les procès-verbaux de la nuit. L'explosion qui devait les anéantir avait, pour ainsi dire, provoqué leur sauvetage. Certes, ils s'étaient trouvés pris dans des éboulements, entre deux amas de pierres, de matériaux, mais les hommes qui arrivaient pour vérifier les dégâts aperçurent ces décombres dont l'aspect de récent éboulement leur donna l'assurance qu'ils se trouvaient précisément sur le lieu de l'explosion. On attaqua donc rapidement une de ces parois éboulées récemment pour faire là les réparations nécessaires, voir quel conduit était endommagé, et l'on découvrit bientôt les deux hommes. Ils attendaient philosophiquement, en fumant une cigarette, qu'on vînt les tirer de leur réduit qui pouvait être leur tombeau. Depuis un moment, ils avaient pu faire connaître aux travailleurs qui attaquaient l'éboulement leur présence de l'autre côté de la paroi écroulée. Gabriel, le second de Paulin Broquet, qui surveillait les travaux et dirigeait les recherches, prévenu aussitôt, accourut, espérant peut-être qu'il s'agissait là de son chef. Il ne trouva que Clafou et le commissaire qui ne purent, on le conçoit, lui donner, à leur grand regret, aucun renseignement sur le sort de Paulin Broquet. Cependant, comme il fallait se méfier des espions que certainement la bande des aides avait dû semer dans les environs, Gabriel, pour donner le change, décida de faire croire qu'on retirait des décombres deux cadavres dégoutiers. On amena donc des civières et on transporta à l'hôpital Lariboisière Clafou et le commissaire, qui en réalité n'avaient aucune blessure grave, heureusement. Ainsi les aides, trompés par le rapport de leurs espions, pourraient croire que le coup avait réussi, que les agents conduits par Bipard dans les couloirs de la Barbotière étaient allés, comme ils le désiraient, rejoindre leur chef dans l'autre monde. Mais ce stratagème, ingénieux, prudent, utile sans aucun doute, ne disait tout de même pas à Gabriel, à ses hommes, ce qu'était devenu celui qu'il recherchait, Paulin Broquet. Gabriel, qui avait pris la direction des recherches spéciales, laissait aux employés de la ville la direction technique des travaux. Il s'était contenté de mêler à chacun des groupes de terrassiers, d'égoutiers ou de pompiers un homme de sa brigade, avec mission de venir l'avertir dès qu'on découvrirait quelque chose. De plus, toujours méfiant, suivant les principes de Paulin Broquet, il avait demandé au chef de service de la voirie qui allait s'occuper de cette affaire de n'employer que des hommes dont il se savait absolument sûr et en qui on pouvait avoir confiance, sur la discrétion de qui il était permis de compter. Gabriel, en effet, avait tout lieu de redouter l'intrusion d'un Z parmi les hommes de la voirie municipale. Ayant donc pris toutes les précautions nécessaires, il suivit attentivement les travaux. Il s'était muni d'un plan du réseau général des égouts, des conduites, des travaux souterrains de cette partie de Paris. Cela ne lui suffit pas. Il alla consulter de vieux plans, d'anciens documents concernant les concessions accordées autrefois aux entrepreneurs qui désiraient exploiter les carrières de plâtre de la butte Montmartre. Ces plans indiquaient, de façon à la vérité quelque peu rudimentaire, mais cependant avec beaucoup de bonne volonté suffisante, la topographie souterraine de ces carrières aujourd'hui abandonnées, murées, que par prudence on aurait dû cependant combler. Gabriel en reporta le trajet sur le plan des égouts modernes et adapta au crayon bleu les lignes anciennes sur le plan nouveau. Ainsi, il put retrouver, sous les lignes nouvelles, la marge des lignes anciennes. Il put reconnaître celle des galeries qui furent provisoirement, c'est-à-dire en langue française éternellement, destinées à être utilisées. Il rétablit les concordances et marqua les points où les regards de la voirie se trouvaient établis, les points surtout où ces regards par lesquels on pénétrait dans les sous-sols permettait d'atteindre une des anciennes galeries. À chacun de ces regards, Gabriel installa à demeure une équipe d'hommes à lui. Selon l'habitude, chacune de ces équipes entoura le regard dont elle s'occupait d'une grille de fer pour en écarter les passants. Cette précaution devait être des plus utiles. Le souterrain qui partait de la place Pigalle, de la cave de l'impasse de Guelma, se prolongeait longuement. Nous nous rappelons que Clafou et le commissaire trouvèrent fort longue leur promenade en compagnie de Bipard. Paulin Broquet lui-même, allant à la séance des aides, dut marcher longtemps, de couloir en couloir, guidé par les lampes à essence, arrêté au carrefour par des affiliés qui lui demandaient le mot de passe. Cette galerie s'étendait sous la place Blanche et s'en allait jusqu'à la rue de Clichy. La construction du métropolitain la rencontra et la suivit même pendant un assez long chemin. Aujourd'hui, les divers travaux l'ont condamnée. Cette galerie est comblée, fermée, et seules les voies nouvelles et régulières du service municipal sont utilisées. Cette explosion et quelques affaissements sur la ligne du métro ont exigé ce remblai et cette consolidation du sol qui ont fait condamner les souterrains de façon, espérons-le, aussi durable que s'ils n'étaient que provisoires. Or, la grande salle, le parlement des bandits, tout en s'appelant la Barbotière, se trouvait loin de la Barbotière elle-même. Elle était située à peu près sous le jardin d'une communauté religieuse qui faisait l'angle du boulevard de Clichy et allait jusque sous la petite place Vintimille. Autrefois même, paraît-il, le couvent utilisait une partie des galeries souterraines comme crypte de son église et y déposait ses religieux défunts. Tout cela n'existe plus aujourd'hui. Ce fut donc à peu près à la hauteur du boulevard de Clichy que Paulin Broquet fut jeté dans un trou qui donnait sur une des galeries conservées et utilisées par la municipalité pour le service de la voirie. Paulin Broquet tomba dans l'eau d'une hauteur de 6 ou 8 mètres. Il aurait pu s'écraser sur le sol, se briser un membre, s'assommer. Les aides comptaient bien sur cela, autant que sur la noyade qui devait suivre pour que la mort de leur terrible ennemi fût absolument certaine. Ils savaient, l'ayant déjà expérimenté, que personne ne pouvait sortir vivant de cette fosse. C'était pour le condamné ou la mort instantanée, la plus douce, la meilleure, ou alors un trépas plus long et précédé d'atroces souffrances. Mais fatalement, le corps se retrouverait dans un temps plus ou moins long en Seine, les eaux d'égout devant l'entraîner petit à petit jusqu'au fleuve. Cependant, depuis quelques jours, il avait beaucoup plu sur Paris, et les égouts regorgeaient. Celui dans lequel tomba Paulin Broquet se trouvait à peu près plein. Toute l'eau des ruisseaux des rues de Montmartre y arrivait, épaisse, jaunâtre, sale et glacée. Oh, ce devait être en effet une mort horrible qu'attendait le condamné dans ce gouffre. Mais précisément, cette abondance d'eau fut utile à Paulin Broquet. Elle amortit beaucoup sa chute. Et si, sur le coup, il resta un moment étourdi, tout ébranlé, du moins, il ne se sentit aucun membre brisé. C'était déjà un grand point. Le froid de l'eau empêcha en outre un évanouissement qui eût été fatal. Car sans connaissance, sans force, Paulin Broquet, roulant dans les eaux, eût fatalement été noyé. Le détective se remit donc promptement, se ressaisit. « Pas tué ? Pas mort ? » se dit-il. « Ça va bien. Rien de cassé. Rien d'abîmé. Bon. Nous nous tirerons encore de celle-là. » Il ajouta, dans une intention bien marquée, « All right. » Et tendant le poing vers le plafond, il cria, « À bientôt, Zigomar !» Ainsi s'achève « Le maître invisible », livre premier de Zigomar par Léon Sazy.